Les deux étudiants se mirent à côté l'un de l'autre. « Que faut-il faire maintenant ? » dit Eugène à Bianchon. « Mais je lui ai fermé les yeux et je l'ai convenablement disposé. Quand le médecin de la mairie aura constaté le décès que nous irons déclarer, on le coudra dans un linceul et on l'enterrera. Que veux-tu qu'il devienne ?»« Il ne flairera plus son pain, comme ça, » dit un pensionnaire, en imitant la grimace du bonhomme. « Sacrebleu, messieurs, » dit le répétiteur, « laissez donc le père Goriot, et ne nous en faites plus manger, car on l'a mis à toute sauce depuis une heure. Un des privilèges de la bonne ville de Paris, c'est qu'on peut y naître, y vivre, y mourir, sans que personne fasse attention à vous. Profitons donc des avantages de la civilisation. Il y a 60 morts aujourd'hui. Voulez-vous nous apitoyer sur les hécatombes parisiennes ? Que le père Goriot soit crevé, tant mieux pour lui. Si vous l'adorez, allez le garder, et laissez-nous manger tranquillement, nous autres. » « Oh oui, » dit la veuve, « tant mieux pour lui qu'il soit mort. Il paraît que le pauvre homme avait bien du désagrément, sa vie durant. » Ce fut la seule horizon funèbre d'un être qui, pour Eugène, représentait la paternité. Les 15 pensionnaires se mirent à causer, comme à l'ordinaire. Lorsque Eugène et Bianchon eurent mangé, le bruit des fourchettes et des cuillers, les rires de la conversation, les diverses expressions de ces figures, gloutonnes et indifférentes, leur insouciance, tout les glaça d'horreur. Ils sortirent pour aller chercher un prêtre qui veilla et pria pendant la nuit près du mort. Il leur fallut mesurer les derniers devoirs à rendre au bonhomme sur le peu d'argent dont il pourrait disposer. Vers 9 heures du soir, le corps fut placé sur un fond sanglé entre deux chandelles dans cette chambre nue et un prêtre vint s'asseoir auprès de lui.